21h59 et une 45e de seconde. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Béton. Vous êtes plus précisément dans l'émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes du 93.6. Après ce titre de Black Label Society, on va attaquer l'aspect française, hein, avec une bonne demi-heure de diffusion de groupes venus des 5 points de l'Hexagone. Et on va même commencer cette aspect française avec un focus. Donc on retrouve donc Thibaut pour la deuxième fois de l'émission d'aujourd'hui. Et rebonsoir à toutes et à tous. On attaque avec un groupe que j'adore, dont j'aime énormément le travail, Plebeian Grandstand, qui sort là son quatrième album. C'est un groupe qui nous vient de Toulouse, une formation qui a été réalisée en 2005. Pour les qualifier, on va dire que c'est du black metal, pour faire très simple. En réalité, c'est du black metal plus, avant-gardiste et avec beaucoup de richesse dans ce qu'ils ont proposé jusque-là. Un premier album en 2010 qui s'appelle How It Is Hard to Define, qui était ultra chaotique déjà, qui présageait la suite de ce qu'allait proposer plus punk jusque-là. En 2014, Logazer, lancinant, un album vraiment lancinant, et on va commencer à sentir des influences qui viennent de l'excellent groupe de black metal, je le répéterai très fréquemment, parce que je suis particulièrement fan de ce groupe, mais de Deathspell Omega, qui a vraiment posé les bases de tout un style, et on sent qu'il y a des influences qui vont être un petit peu présentes sur cet album. On est très loin du copier-coller, hein, parce que ça se veut encore plus chaotique et beaucoup plus prenant encore que ce que propose Deathspell. En 2016, je vais y arriver, je suis fatigué aussi ce soir, hein. False Height, True Lows, pour moi encore aujourd'hui leur meilleur album, plus pesant, plus oppressant, chaotique comme c'est pas permis, et avec des compositions d'une richesse incroyable. Toujours des influences venant de Deathspell Omega, et par extension un petit peu de la scène islandaise qui s'est un petit peu mélangée et a apporté de nouvelles choses dans ce black metal avant-gardiste. Et donc on arrive en 2021 avec ce nouvel album qui s'appelle Rien ne suffit, une signature chez DB Mur. Et voilà, alors que dire sur le groupe, je sais pas si on rien que déjà là, c'est un groupe qu'il faudra aller voir en live, parce que pour les avoir vus une fois, c'était très prenant. Voilà, alors c'est ça qui est assez rigolo. Bon, je t'ai laissé faire vraiment toute la présentation bien taillée de leur discographie. Et en fait, plus c'était black metal, moins ils étaient sur un label black metal. Et moins ça l'est, plus ils sont sur un label black metal. Et je m'explique, le précédent, 2016, il est sorti chez SrotsRunner. Donc label ultra spécialisé dans le hardcore, chaotique hardcore, tout ce qui est screamo, etc. Et donc là, voilà, un album beaucoup plus hardcore, alors le hardcore, mais faut entendre madcore par là, hein, tout ce qui est vraiment presque négatif hardcore, chaotique, power violence, avec toujours cette grosse base black avant-gardiste. Et là, voilà, ils viennent de signer chez DB Mur, label dont on diffuse régulièrement des sorties black metal. Ouais. Et bon, pour rejoindre un petit peu ce micmac que tu es en train de décrire, je vais glisser vers les membres du groupe. Et notamment, on va soulever Olivier Lolmed, qui est notamment membre des groupes Vermine, qui avait sorti un excellent album, je crois, en 2016. Drawworks, que je ne connais pas, faudra que je jette une oreille vu la qualité des autres projets. Et surtout Mourir, l'album qui moi personnellement m'a mis une grosse claque, c'était en début d'année ou en fin d'année dernière. Voilà, et tout ça se recroise un petit peu avec la scène de Laval, puisqu'on retrouve à la prod de l'album Amaury Sauvé, qui a également enregistré l'album de Mourir, et qui est le frère de Quentin Sauvé, qui est membre de Burns in Raw. Et Burns in Raw, coucou SrotsRunner Records. Ouais, voilà, donc t'as tout un micmac où tu recoupes, tu retires un petit peu les ficelles et tu retrouves un petit peu les copains. Toujours est-il que ça marque un petit peu aussi cette scène, que ça soit dans Mourir ou dans Plebeian, où il y a une dimension hardcore qui est présente et une dimension de contestation sociale également très présente dans les paroles, et il y a des messages de philosophie, des choses comme ça qui vont à travers tous ces groupes là donc on comprend un petit peu cette espèce de scène qui est auto-imbriquée. Voilà pour les petites présentations des membres du groupe. Et donc du coup effectivement on en revient à sur scène, c'est là que ça prend alors bon, sur album c'est hyper oppressant, c'est ça fait partie de ces groupes qu'on a envie de s'écouter au casque, mais c'est en même temps hyper éprouvant. Par contre sur scène et encore nous les avait vus très très tôt en plein jour, c'est ultra violent et les mecs sentent la haine et la rage. Ouais, c'est hyper sincère, hyper viscéral. Rien que là déjà, je trouve que la pochette de ce nouvel album, donc je sais plus si j'ai donné le nom, si rien ne suffit. Cette forme d'espèce de peinture rupestre avec plein de mains qui sont sur un mur, mais le mur il est presque découpé et recollé. Enfin, rien que ça, ça interpelle en fait. Tu vois la pochette, tu qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des peintures rupestres en miroir brisé. C'est c'est assez déconcertant effectivement visuellement. Voilà. Alors je sais pas que ouais, on va peut-être s'écouter le morceau. Et puis on revient dessus après. Donc le titre choisi pour illustrer ce focus de Plebeian Grandstand. Donc pour rappel, l'album s'intitule Rien ne suffit. Il est déjà dispo chez DB Murmorty Productions. Et tu as choisi le titre Rien n'y fait. Ouais, ouais, bah voilà. Là c'est le coup de cœur. C'est celui qui est ressorti tout de suite parce que bah, c'est le plus black metal à proprement parler de l'album. Et c'est pas forcément le plus représentatif, mais voilà. C'est celui que j'ai le plus aimé et je voulais le diffuser ce soir. C'est parti! Voilà, donc pour couper le focus dans le blabla, un petit extrait pour du tout reposant de Plebeian Grandstand. Retour à la présentation de ce nouvel effort studio des Toulousains. Ouais, bah voilà, donc moi c'est mon style, hein, clairement c'est un style que j'aime énormément et Plebeian le fait très bien. C'est complètement très expérimental, particulièrement sur cet album. On a quelque chose qui est, comme d'hab, assez novateur et complètement unique dans ce qu'il propose. Alors là, sur ce morceau, c'était pas forcément flagrant, mais dans l'ensemble de l'album, on va avoir beaucoup d'influences qui viennent de la musique électro, avec quelque chose de très mécanique, de très électronique dans certains morceaux qui touchent parfois à l'indus ou des choses comme ça. Toujours aussi bruitiste. On sent des influences qui viennent du hardcore, du power violence, enfin on a vraiment tout un micmac de choses qui arrivent, et ouais, ça rend, hein, le tout, c'est juste malsain, constamment. Et justement, donc là, ce morceau-là, il est précédé d'un autre morceau qui s'appelle « Nous en sommes là », qui, moi, personnellement, m'a rappelé le morceau de « Tristesse de la lune », qui était un morceau de Celtic Frost, qui est sorti sur l'album « Into the Pandemonium », et qui était des, donc ce que disait Sylvain, ça doit être un poème de Baudelaire qui est narré, et ça a un aspect vraiment gênant, et là on retrouve ça, c'est-à-dire c'est un espèce de bruit de fond avec une narration par-dessus, et ouais, ça te retourne, tu t'y attends pas au milieu de l'album, et parce que ça pose un peu le truc, mais en même temps c'est encore plus malsain. Donc voilà, voilà, toujours plus riche, toujours plus libre vis-à-vis de ses influences, et ça c'est cool, parce qu'il se sépare doucement de ce côté d'Espel pour aller encore voir plus loin musicalement, et c'est encore une fois grandiose, quoi, c'est génial. Et j'étais en train de vérifier, donc deux petites observations en complément de tout ce que tu viens de dire. C'est que jusqu'à maintenant, les albums faisaient une grosse trentaine de minutes. Là, on est sur un pavé de 50 minutes, avec certains titres qui dépassent les 5 minutes. Donc on en a deux qui font même plus de 7 minutes. Enfin, c'est une épreuve à suivre, cet album de Plebeian. Et surtout, ouais, quatrième effort studio. Et le premier, tout en français. Ouais, tout à fait. Les trois premiers albums avaient le titre et les morceaux en anglais. Celui-là, il est en français du début à la fin. Et tu vois, tu me surprends en me disant que ça fait 50 minutes, parce que l'album, je l'ai écouté 6 ou 7 fois sans problème. Ouais. Et pour moi, il durait 30 minutes, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, c'est vraiment un plaisir. Enfin, un plaisir. Ça, on s'entend, mais il déroule tout seul. Et en fait, il est pas chiant comme album. Il est. Ouais, c'est chaotique. Mais ce qu'on disait justement en off, ouais, c'est chaotique. Mais d'un autre côté, ça te noie pas complètement. Et c'est pas du tout indigeste. C'est pas digeste, mais c'est pas indigeste. Mais ouais, moi, grosse sortie, j'ai adoré. Franchement, beau travail pour eux. À recommander le dimanche après-midi, après la raclette. Exactement. On continue dans l'aspect française avec FNMR, groupe de death mellow français, donc toujours un, qui nous vient également de la région de Toulouse. Dream of Wilderness, c'est le nom de ce nouvel effort studio pour la formation FNMR, une sortie sur le label autrichien Napalm Records, gros up dans la carrière donc de la formation toulousaine. Et dans la foulée, les vétérans du heavy français Titan, 35 ans après le précédent album, ils nous sortent la Palingenesia. C'est efficace, hein, ça reste, j'ai envie de dire, dans l'air du temps des années 80, Titan, sans que ça soit devenu ringard pour autant. L'album est déjà disponible, Off Volition pour FNMR, Rage et Haine, signé Titan. On enchaîne avec une autre nouveauté, puis bah, ce sera la dernière nouveauté pour l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit de Belor, originellement un one-man band. Le premier album était sorti tout début 2020, Journey Through Mountains and Valleys. Clairement, quelques semaines du coup avant le début de la pandémie dans laquelle on n'est pas encore sorti. Du coup, je l'ai pas mal écouté cet album quand j'étais un petit peu en mal de Summoning Likes ou formation du genre assez planante et cependant très comment dire très englobant. Voilà, Belor, c'est enfin, je sais pas, c'est un peu con de dire ça, je trouve ça très confortable comme musique, c'est apaisant et c'est super bien foutu. Donc une formation qui nous vient de la région marseillaise. Ce n'est plus un one man band, enfin en version studio tout du moins, puisque maintenant le groupe propose des lives et donc voilà, Belor sort là son second effort studio que j'ai même pas encore eu l'occasion d'écouter en entier. Artefact, près de 50 minutes de son, on est toujours dans le même registre musical. L'artwork est sympa, bon je préfère le premier. Donc voilà, une sortie Northern Silence Production. Et on s'écoute le presque titre de l'album, Artifacts of Power. 22h32 à la pendule de Radio Béton. On est toujours dans l'aspect française et on va la clôturer dans quelques instants avec le dernier focus pour ce soir. Juste avant ça, petit coup de promo concert. Oui, parce que pour l'instant, il y en a encore un petit peu. Le samedi 18 décembre, l'édition d'hiver du Ripfest, sobrement appelé le Winter Rip. 8 groupes seront présents sur la scène de la salle Maria Callas à la Ville aux Dames. Les préventes sont dispo, hein. C'est 10 balles actuellement, ce sera 15€ sur place et je crois que les préventes s'arrêtent une semaine avant l'événement. À l'affiche, vous retrouverez donc formation Tourangelle Centipede. On est sur du je vais pas dire hardcore parce que c'est beaucoup plus riche que ça, enfin hardcore, grindcore, ça va chercher assez large. Disruptor ensuite qui feront leur release party, là on est sur un duo post-metal. On a ensuite Entertain the Terror, le groupe qu'on vous a diffusé il y a quelques mois, de hardcore venu de Rennes. Caligula qui fera le déplacement depuis Montpellier, récente formation de Deathcore. Scumbags ensuite, groupe de Death Slam de Tours qui sera également de la partie pour leur release partie de leur seconde EP qu'on devrait s'écouter dans les semaines à venir. Clenched Fist ensuite, groupe de hardcore beatdown qui nous vient de Belgique. Zéro intelligence, zéro tendresse. Teething ensuite, complètement sur le même rythme, hein, quelques tempos au-dessus cependant. Groupe de Grindcore Power Violence qui nous viendra d'Espagne. Et de la clôture, Within Destruction, le groupe de Slamming Deathcore qui nous vient de Slovénie. Voilà, vous connaissez le menu, c'est 10 balles actuellement, pensez-y. Et ce sera le samedi 18 décembre à la salle Maria Callas de la Ville aux Dames. On se retrouve pour le troisième et dernier focus de l'émission de ce soir avec Thibaut. Ça va être bien parce que j'espère que vous étiez bien mis sous la couette pour le groupe d'avant. Parce qu'on enchaîne avec pas du tout de la tendresse. Blockhead, le groupe qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, groupe de grindcore formé en 1992. T'étais même pas né. Si, j'étais né. J'étais pas vieux. y a du grind en France. C'est toujours aussi ouf de redécouvrir qu'il y a des groupes qui sont là depuis si longtemps sur la scène française et on va déjà spoiler de manière aussi qualitative depuis leur début. Un groupe qui a commencé un petit peu avec beaucoup plus d'influence death metal qu'ils en ont actuellement. Donc le premier album qui est sorti en 95 pour un total de 6 albums. Hein, je l'ai pas précisé, mais donc premier album sorti en 95. Période un peu plus death qui vont au fur et à mesure des albums un petit peu abandonner pour arriver il y a eu un album en 98, hein, en 2002, je passe rapidement hein, parce que ils sont très cool, écoutez-les, mais je m'arrête pas dessus parce que sinon ça va être un blabla sans fin. 2006, c'est là pour moi où ils vont vraiment avoir cette approche presque purement grindcore, même si on trouvera encore des influences avec Chaps of Misery qui est excellent, c'est un de leurs meilleurs albums. En fait, je coupe très très rapidement. En fait, ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis et tant mieux pour eux et pour nous, notamment suite au split avec Nostromo qui était sorti quelques années plus tôt, hein, juste après leur troisième album studio. Et justement, juste après Chaps of Misery, ils se sont accoquinés avec une autre formation de grindcore venue de Suisse, Mumakil. Donc voilà, coincé entre les deux, ils n'ont pas le choix que de se dire putain, la meilleure chose à faire, les gars, c'est du grindcore. Ouais. Puis le split avec Mumakil, en plus, il y avait Inside Conflict, excellent. Un groupe de hardcore grindcore à l'époque de Montpellier. Je te laisse reprendre le fil. Et puis du coup ça explique que la pépite qui reste pour moi malgré ce nouvel album, on va y venir, qui est excellent, mais This World Is Dead qui est mon coup de cœur de ouf. Enfin, le panthéon de la musique de Blockheads, clairement. C'est l'album de 2013, il est d'une violence, je reviendrai dessus, mais il est d'une violence incroyable et t'en prends plein les dents, quoi. Enfin vraiment une tuerie. Nous, on a eu la chance de les voir en live en 2017, je sais plus. C'était 2019. C'était 2019. C'était le dernier Lush and Grind. Tout ouais, à fait. C'est ça. Et c'était génial. Enfin, et puis moi, je les avais déjà vus une ou deux fois avant, notamment au Motocultor. Et ouais, Blockhead, enfin, il y a tout et rien sur scène. En fait, il y a tout avant et il n'y a plus rien après. Il y a tellement eu pendant que. Ça te lessive, hein. Clairement le concert est lessivé à la fin. Oui. Et ce suit donc quand même 8 ans après, en 2021, là, qui vient de sortir du coup Trip to the Void, un album que j'ai trouvé déjà excellent, et rien que par sa pochette en fait, qui est saisissante. Elle m'a terrifié. La qui est d'une sobriété et d'une violence cependant. Ouais, ouais, bah on y voit une femme qui brûle de l'intérieur. Alors, j'ai même le sentiment que c'est une jeune fille. Ouais, je pense. Hein. Voilà, pour la violence de la représentation, de l'image. Et ce que disait Sylvain, en fait, et je pense que c'était pareil sur l'album précédent, parce qu'il a fouillé un petit peu là-dessus, c'est une photographie qui est d'un Chilien, si je dis pas de bêtises. C'est une photographie à la base qu'ils ont utilisée pour la pochette d'album. Donc c'est pas un produit qu'ils ont fait construire pour l'album, c'est vraiment une production qui existait. Et je pense que la précédente était pareille parce que il y a ce côté presque reportage qui est effrayant sur l'album précédent. Et sur celui-ci, ouais, on sent que c'est une photographie hyper travaillée et tout. Et moi, vraiment, elle m'a saisi cette pochette d'album. C'est toute la symbolique qu'on a dans Blockhead parce qu'évidemment, bon, c'est un groupe de grind qui est ultra militant. Pour les petits easter eggs, j'ai été fouillé du côté de leur bandcamp. Ils nous vendent leur album en digital à 666€. Donc c'est du troll un petit peu jusqu'au bout, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, quand on va fouiller du côté du label, du coup j'ai pas dit et le ben... nom du label, mais je vais te laisser le dire parce que j'ai oublié de le noter. Comme un con. Et ben en fait, Blockhead. Il y a une histoire super intéressante autour de leur label, donc je vais torcher ça assez rapidement. En fait, leur troisième album, je viens de vérifier parce que j'ai eu un doute historique, leur troisième album Human Parade était déjà sorti chez Bones Brigade Records, donc excellent label spécialisé dans le grindcore. Et ils sont passés ensuite par deux labels d'envergure. Chiefs of Misery du coup est sorti sur le label français rennais Overcome Records, qui à l'époque du coup était clairement un des fleurons de la scène alternative française, comme on l'appelait à l'époque. Et surtout This World Is Dead est sorti sur le label ricain Relapse Records. Donc à cette époque là tout allait vraiment dans le sens de Blockhead. C'était vraiment un up dans leur carrière phénoménal. Et sans dire pour autant que là ils ont levé le pied, ils sont juste revenus à la maison avec cet énorme album sous le bras, parce que Trip to the Void sort chez Lixiviat Records et en parallèle sort également chez Bones Brigade. Donc Bones Brigade, voilà, label français spécial encore une fois dans le brutal death et le grindcore, basé dans le nord de la France. Donc voilà pour la petite histoire autour des labels de Blockheads. Ouais, et du coup c'était pour voilà, le groupe qui est toujours aussi militant et toujours ainsi investi dans le message qu'il véhicule, donc toujours toujours le côté très contestataire un petit peu de la société et beaucoup de messages par rapport à voilà à l'évolution des mœurs et tout ça. Et comment dire, l'album, tu vas fouiller sur l'album et c'est une poignée d'euros pour l'album, je crois que c'est 7€ pour l'album physique, et le vinyle il doit être à moins de 15 balles, enfin un truc... Voilà, les gars, ils s'en mettent. Achète-le, diffuse-le. Ouais, c'est ça. Par contre, aucune diffusion actuellement sur les plateformes de streaming et tout ça. Ouais. C'est quand même achète-le. C'est un geste militant. Tu achètes l'album. C'est une poignée d'euros. On s'en met pas dans les fouilles. Et puis voilà. Donc voilà, c'est toujours aussi authentique dans leur message et dans leur dans leur musique. Et toujours puis dans la solidité, j'étais en train de regarder de leur line-up, ouais, en fait. Carrément. Ouais. Puisque bon, le chanteur, c'est le chanteur d'origine. Et en fait, ils ont le dernier qu'ils ont intégré, c'est le retour d'un de leurs guitaristes qui était là au début des années 2000. Donc voilà, c'est un groupe ultra solide sous tout rapport. Ouais, tout à fait. Du coup, on s'en écoute deux petits morceaux là, parce que bon, ça va aller assez vite, comme forcément c'est du grind, donc faut pas s'attendre à des morceaux de 10 minutes. Ce soir, j'ai choisi deux morceaux. Le premier, c'est Cage. Alors je sais pas si c'est en anglais ou en français. Cages sinon. Un morceau qui est assez long, qui dure 2 minutes. Presque du prog. En fait j'ai choisi ces deux morceaux là parce que du coup ça brasse deux aspects du groupe que j'aime bien. Donc Cages, comme tu l'as dit, qui est toujours très intense, mais avec un côté beaucoup plus présent de death metal en fait dans ce qu'il propose dans ce morceau là. Et un tempo, il y a un moment, il y a une descente de tempo, t'as l'impression que ça va partir en mosh part. C'est excellent. Et derrière, on enchaîne avec Born in Despair. Voilà, déluge de violence pendant 30 secondes. Point. C'est tout. C'est parti pour à peine 3 minutes de Blockhead et ça va être très bien. Trash. actually needs poverty. Capitalism could not exist without the existence of poverty. Mass poverty. Enfin, y a rien de plus à dire en fait concernant Blockhead. Je crois que en moins de 3 minutes, les mecs viennent de tout résumer. Ouais, non, mais ce déluge de violence, ce morceau, il m'a juste. J'étais en train d'écouter et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe là? Parce que déjà, l'ensemble de l'album, il est déjà particulièrement violent. Je pense que jusque-là, c'est ce qu'ils ont proposé de plus brutal, en tout cas de plus intense, ça clairement. Et voilà, c'est ultra violent, c'est abrutissant, ça respire pas beaucoup. Et quand ça respire, c'est pour te mettre des coups de poing dans la tronche. Non, je croyais que t'allais dire un truc. Non, je suis totalement d'accord avec ce que t'es en train de dire. Et ouais, c'est abrutissant, ça respire pas, certes, mais je trouve que il y a suffisamment de variations et suffisamment de richesse globalement dans l'album. Alors, on va pas parler de composition réellement très riche ou en tout cas pas très technique, mais ouais, de richesse plutôt dans les compositions. Et on se fait pas chier, quoi. L'album il déroule tout seul et il nous roule dessus tout seul. Donc non, moi j'ai encore un coup de cœur, quoi. De toute façon, là ce soir, ça a été des trois focus, trois gros coups de cœur sur les groupes. Donc voilà, c'est trop chouette. Ouais, et puis rien qu'à suivre les titres de morceaux, en fait, enfin les mecs, tu comprends qu'ils racontent une histoire complètement actuelle et qu'ils en ont encore vachement sous la pédale et ils ont la rage au ventre, quoi. Et c'est ce qu'on attend et c'est absolument parfait, encore une fois, ce que vient de nous proposer Blockheads. C'est ok pour toi ? Ouais, c'est bon, merci bien, bonne soirée. Un vrai plaisir, merci d'être venu. On enchaîne avec, du coup, retour à la diff internationale avec doublette suivante, Gal's Word, du coup, bien sûr, le projet de Gal, la voix de Gorgoroth. The Yuming Mountains, c'est le nom de ce nouvel EP. Il est déjà dispo sur la belle française Season of Mist, et on enchaîne ensuite avec un autre EP dans un style totalement différent. Les Galois de Gull Trip nous sortent leur nouvel EP. Là, on est dans du hardcore. Ce nouvel effort studio dont j'ai mangé le nom, qui bénéficie une fois de plus d'une pochette absolument magnifique. Et j'ai perdu le nom. Rain City, voilà, putain, j'ai les yeux qui fourquent. Voilà, et puis c'est ce qui va nous faire clôturer l'émission, cette toute dernière doublette. Gal's World, Awakening Remains Before the Living. Et on va donc se quitter avec le titre de Girl Trip, Fractions of Time. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. À dimanche prochain, retour dans une émission en différé. Ciao, ciao. I've waited for long enough. So watch your fucking faster fall down. Crushes through your fucking